raconte-moi. Au Brésil, je ne connais de toi que ces mots-là. Bossa nova, et tout le pompa tempo, elle est bonne femme. Bossa nova, va, tu comprends que on trie au camarade. Mais, quand on parle de toi, on ne dit que samba. Mais il n'y a pas que ça. Si quer viver pour chorar, a Paris se chega, sempre en douche ou ema. Ging ging ging.